Salut les amis, c'est Ismaël et bienvenue dans Happy Dance 35, l'émission qui vous fait découvrir, comme vous le savez, le meilleur de la musique EDM à travers 2 heures de son non-stop. Allez, comme d'hab, on va s'intéresser tout de suite aux titres qui nous ont quittés cette semaine, à savoir, eh bien, Holy Terrain de FKA Twigs qui avait fait son entrée la semaine dernière en 22e position. Malheureusement pour elle, eh bien, cette semaine, le seul titre qui va rester dans la course, eh bien, c'est Saturday qui est numéro 35, puisque Thousand Eyes et Mary Magdalene sont carrément sortis du top 50. Donc comme promis, tout de suite, eh bien, on va écouter le numéro 35 pour lancer l'émission, c'est Saturday de FKA Twigs, extrait de l'album Mary Magdalene. Hit numéro 35. Every time you look outside your window, everything is just the same as before. You are turning round and round, you see, it's a sad day for sure. Taste the fruit of me. Make love to all you see. Numéro 34. Oh, oh, oh. Voilà, à l'instant les amis, c'était donc le numéro 34 de cette semaine, une nouveauté dans ce top 35, Jack Jones avec Ella Anderson sur This Is Real. Allez, on continue puisque d'ici quelques minutes, je vais vous jouer du Griffin avec Need Your Love qui perd 5 positions et arrive numéro 31. Et puis tout de suite à suivre ces deux singles, eh bien de Madeon avec en premier All My Friends, c'est une nouveauté, suivi de No Fear No More, deuxième nouveauté. Nouvelle entrée dans le top 35, hit numéro 33. All my friends are watching, I can hear them talking. All my friends are watching, I can hear them talking. All my friends are watching, I can hear them talking. All my friends are watching, I can hear them. Tell me what's going on, can you take me there before the morning comes? Can you make me care? Tell me what's going on, let me fade into flashing lights. Yeah, I've been working overtime. entrée dans le top 35. Hit numéro 32. Your love to lift me up when I am weak. I need your love. 5 chansons, c'est ce que l'on vient d'écouter tous ensemble dans ce classement des 35 meilleurs tubes EDM qui s'appelle tout simplement Happy Dance 35. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent sur votre radio. Moi c'est Ismaël et je suis super content de continuer à vous accompagner durant cette émission. Il nous reste encore donc une trentaine de chansons à écouter. D'ici quelques minutes, les amis, on écoutera la chanson numéro 28 cette semaine. Elle a gagné 6 places par rapport à la semaine dernière. C'est Trouble de Vacy. Écoutez cet extrait. C'est pas tout, on aura aussi Free de Louis The Child with Grow Love qui gagne 4 places par rapport à la semaine dernière où il a fait son entrée en 33ème position. She said she blamed me for running in and taking her heart away. She said she blamed me for running in. Et puis tout de suite, c'est une chanson que vous connaissez bien. Elle est là depuis 10 semaines dans le top 35. C'est The Power, c'est de Duc Dumont et Zach Abel. Hit numéro 30. You do me, I do you. Feed me lies and we'll find the truth. Feel the light, numb the pain. Kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through. Confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain. Kiss the sky and we'll make it rain. And we'll find the truth. Feel the light, numb the pain. Kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through. Confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain. Kiss the sky and we'll make it rain. Getting louder, getting louder. Calling out my name. She said she blamed me for running in and taking her heart away. I said I blame her for making me believe her lies. Don't understand how you could wake up one day and just walk away. You didn't even try to call to apologize. And we're building up these walls just to watch them fall. Trouble, boy, you better. Happy Dance 35. 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. J'espère que comme moi les amis vous avez kiffé ce son à l'instant. C'était eh bien Vacy avec son single Trouble, classé numéro 28 cette semaine dans Happy Dance 35. Moi c'est toujours Ismaël et on va continuer d'écouter toujours plus de sons, puisque tout à l'heure en 24ème place on aura de la nouveauté avec Grimes sur So Heavy I Fell Through the Earth. On aura aussi Roots de Valérie Broussard et Galantis, Rushing Back de Flume et Vera Blue qui arrive juste après ce single classé numéro 27. C'est Purple Hat de Sophie Tucker qui a gagné 8 positions. Hit numéro 27. Purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my head is the roof, dancing on the ceiling on the people, I got people on the people, dancing on the people, I got purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dance on the people, climb up on the booth, singing from the people on the people, my hits the roof, dancing on the ceiling on the people, I got people on the dancing on the people, I got people. Thank you. rushing back, pushing back. And it all comes rushing back, pushing back. And it all comes rushing back, pushing back. About going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, pushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. Numéro 25. I've been known for one thing. I come and then I go. I got used to wandering, living on the road. All the times I'd love to leave, but you gotta hold on me. Out the day. dans le top 35. Hit numéro 24. À l'instant, c'était donc la nouveauté de cette semaine en 24e position. Ça s'appelle So Heavy I Fell Through the Earth. C'était de Grimes. On va continuer avec bien plus de musique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez sur Internet ou même Facebook Happy Dance EDM ou Happy Dance 35. Vous devriez trouver ça tranquillement. Et puis en attendant, donc je vous disais qu'on allait écouter plus de musique. Ça tombe bien puisque tout à l'heure, je vous prévois Baila Conmigo de Jennifer Lopez qui gagne 2 positions. On aura aussi In Your Arms qui lui aussi gagne 2 positions cette semaine, une chanson donc de Illinium. Et puis OMG de Griffin et Carly Rae Jepsen, c'est tout de suite dans votre émission puisque ça perd 6 places et c'est numéro 23. Hit numéro 23. No chemical could recreate our chemistry. Got what I need. I'm technical, but I lose sensibility. When you're next to me, I feel a boom, feel a bang inside my soul, love. When you lay me down, when you do it the way, I lose control, love. All my senses now. You got me flying and flying to fall in the morning. Can you hear my body is calling your name? not my hometown girl. We never leave, but it feels like we've seen the whole world. A thousand cheers for the tears on your parents' roof. Forget my fears every time that I'm under you. All along, all I needed was you. So I swear I'm not scared when it's over. If I die in your arms, it's right where I'm supposed to be. Numéro 21. Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame, baila conmigo. Vamos a tocar el cielo con las manos. Todo malo, vamos a juntar la noche con el día. Vamos a pegar tu boca con la mía. Imagínate conmigo en la arena, yo besándote bajo la luna llena. Imagínate toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura. Me curo, dale, dale, vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo lo malo, vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía. Baila conmigo à l'instant, numéro 21 cette semaine de Jennifer Lopez qui gagne 2 places. Allez, on continue avec 2 chansons à la suite. Tout de suite, on écoute Turn Me On, le numéro 20 de cette semaine, c'est de Riton. Et puis juste après, il y aura Griffin avec Body Back. Beat numéro 20. Living life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and power. But all that glows and always gold. And just give me some love, cause I'm running out of that feeling. Don't prescribe me that drug, cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Just what I need, yeah. I'm Dr. Love. cause I'm running out of that feeling. Doctor, prescribe me that gel, cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. You know just what I need. Who cares what the world's gonna say? Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid. Don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. I know, I'm not giving you up. I know, I'm not giving you up. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. C'est maintenant dans Happy Dance 35. 5, 4, 3, 2, 1. Happy Dance 36. Les amis, ça fait une heure que nous sommes ensemble. J'espère que vous passez un super moment en ma compagnie. Oui, moi je m'appelle Ismaël et je suis très content de vous servir cette émission durant 2 heures où je vous fais découvrir ces 35 meilleurs tubes EDM. À l'instant, on a écouté eh bien, la chanson numéro 19 de cette semaine. C'était Body Back de Griffin en featuring avec Maya Wright, qui a d'ailleurs gagné 9 places par rapport à la semaine dernière. C'est donc un gros jump pour cette chanson qui, franchement, eh bien, je peux vous le dire, a mis l'ambiance aussi chez moi et dans les studios. Bref, on va tout de suite continuer avec plus de sons. Je vais même vous dire un petit peu ce qu'il va y avoir. Parce que tout à l'heure, en numéro 15, on aura Lord Luxury et Breeze Vine sur I'm Not Alright. On aura aussi Sam Smith qui arrive avec I Feel Love numéro 16. Falling free, falling free, falling free, falling free, falling free, falling free. Et puis God is a Dancer de Tiësto et Mabel, ça arrive juste après. Quelque chose qui va vous faire pump it up, c'est de Endor. Beat numéro 18. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know. Step by step, when you come out on the floor, you got that. Left, right, left, leave them coming back some more. You got that step by step, when you come out on the floor, you got that. You got that. Hit numéro 16. J'espère que tout comme moi vous aurez ressenti cet amour et bien que Sam Smith a voulu partager avec nous aujourd'hui dans cette émission avec I Feel Love, classé numéro 16 cette semaine et qui a perdu une position. C'est toujours Ismaël qui est aussi là avec vous pour vous partager son amour pour la musique EDM dans ce classement qui s'appelle Happy Dance 35. Allez, on continue avec tout de suite c'est I'm Not Alright et Lord Luxury avec Brace Vine suivi de Martin Garrix et Dean Lewis sur Used to Love et Faith de Galantis. Numéro 15. You like to drink and to smoke to take away the pain. And I don't remember all of my mistakes. And every I got a low with no one to blame. You're not alright, I'm not alright. XO, when I'm high in the shade and I'm feeling away, baby, hello. I just wanted to see if your plans ever change with my XO. Gotta fight for the love or the rush and I don't wanna let go. So don't let me go. Got no patience, conversation driving you up the wall. I'm imperfect, you're a goddess, no sarcasm at all. You say you're sorry but don't know what you're sorry for. No, no point in keeping a score. You like to drink and to smoke to take away the pain. And I don't remember all of my mistakes. And every I got a low, no one thing. You're not alright, I'm not alright. And I don't belong in a place like this, baby, let's roll. We don't need to believe everything they think when it's all so. Headed down that road and you don't gotta go down so low. No, don't let me go. Got no patience, conversation driving you up the wall. I'm imperfect, you're a goddess, no sarcasm at all. You say you're sorry, but don't know what you're sorry. sorry for. No, no point in keeping a score. You like to drink and to smoke to take away the pain. And I don't remember all of my mistakes and every high. Got alone, no one thing. You're not alright, I'm not alright. Cause remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to hold hands, now I dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you, home was anywhere. And you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have are all you can believe, oh, I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me. C'était donc Face, une chanson de Galantis et Dolly Parton en featuring avec Mr. Probs. Tout de suite, on écoute Baila Conmigo de Davy. Beat numéro 12. Tú y yo en la playa. La arena. El mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame. Tócame. Y baila conmigo. Pasas tu mano por todo mi cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. Beat 11. Two kids with their hearts on fire, who's gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without? Cause I know I don't wanna live without you. Happy Dance 35. Et oui, Happy Dance 35, c'est ce que vous écoutez effectivement chaque semaine avec moi, Ismaël, pour eh bien vous faire plaisir avec le meilleur de la musique EDM, et ce durant 2 heures. D'ailleurs, les amis, il faut savoir qu'à l'instant, on écoutait les Chainsmokers ainsi que Bébé Rexha sur Call Your Man, qui est sorti du top 10 pour la première fois eh bien cette semaine, puisque la semaine dernière, elle était à la 10e position. Bref, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Enfin, c'est surtout celle de l'émission, puisque ça s'appelle Happy Dance 35. Vous tapez aussi Happy Dance EDM sur Facebook et vous allez trouver ça. Vous verrez, je vous poste 2-3 petites choses dans la semaine, des musiques, des choses. Donc, n'hésitez pas à partager, aussi m'envoyer des messages si vous avez des remarques à me faire, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Ça arrive hein, de se tromper. Et puis, tout de suite, allez, on va repartir en musique avec le top 10 de cette semaine. On aura tout à l'heure Grease Tronix qui n'a pas changé de place depuis une semaine avec Grease et les Subtronix, toujours 9e, et puis tout de suite, c'est Lost Control de Medusa avec Becky Hill et les Good Boys qui gagnent 2 places et qui fait son entrée dans le top 10. Allez, bonne écoute à tous, c'est Happy Dance 35 sur votre radio. Numéro 10. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? would you be the one to call when I lose control? Change the atmosphere. All I ask from you is patience. Some patience. Some patience. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to go when I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control, could you be the one to call when I lose control? Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 9. We can't get enough, we can't get enough. DJ run that track then. Batman, son. Keep the place rocking alive. Subtronix, un single signé de Grease et des Subtronix, voilà, qui ont coopéré donc sur cette chanson et qui, franchement, a un débit et un BPM assez particulier, puisqu'il y a des moments où on a envie que ça aille plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort, et puis en fait ça se calme et c'est super bien. Enfin bref, j'espère que vous aurez kiffé comme moi ce single classé numéro 9 cette semaine et qui n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Allez, on continue tout de suite avec le single qui reste lui aussi à la même position, c'est Sam Felt et Rani sur Post Malone, toujours numéro 8. Et juste après, on aura les Takeaway des Chainsmokers avec Illenium et Kekalor de Major Lazer en featuring avec J Balvin et L Alpha. Allez, c'est parti, on continue avec plus de musique sur Happiness 35. Numéro 8. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wild like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. See the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. You have four takeaway, yeah. You have four takeaway, yeah. You have four takeaway, yeah. You have four takeaway, yeah. Hey, hey, hey, where do you think you're going? It's so late, late, late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. So how do we get here? 3 weeks now we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na na na, gonna leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you. You have I'm someone you leave behind. I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I'm not here to stay, I still want your heart. You have for takeaway. Break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I'm not here to stay, I still want your heart. Beat numéro 6. Nous arrivons presque au terme de notre émission, il nous reste 5 chansons à écouter tous ensemble et ça tombe bien puisque déjà à l'instant on vient de se faire la numéro 6 de cette semaine, c'est Major Lazer avec J Balvin que l'on a écouté et El Alpha sur Cake Alor qui prend d'ailleurs une place. Allez, à suivre, il y a Good Things for the Part de Illenium et John Bellion, suivi de Higher Love de Whitney Houston et Kygo qui effectivement sort de ce top 3 pour arriver en 4ème place. Numéro 5. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking, messing with my head. Tell me what you hate about me. Whatever it is, I'm sorry. Yeah, yeah, yeah. with a broken heart. I guess that sometimes good things fall apart. When you said it was real, guess I really did believe you. Did you fake how you feel when we broke down by the river that night? That night. That night when we fogged up the windows in your best friend's car, 'cause we couldn't leave the windows down in December. Sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing with my. Sometimes good things fall apart. Beat numéro 4. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Bring higher. Le top 3 des hits, c'est maintenant. Les amis, on vient effectivement d'entrer à l'instant dans le top 3 des hits musicaux sur Happy Dance 35. C'est toujours Ismaël avec vous. Et oui, c'est notre dernier moment, ou avant-dernier moment, si je devrais dire. Voilà, ensemble, puisque ça fait un peu plus d'une heure 50 que l'on écoute 32 chansons au total. Là, il nous en reste 3 pour faire 35. Les 3 meilleurs, ça tombe bien. Cette semaine, vous l'avez remarqué, I Girl Love de Whitney Houston et Kygo, on l'a écouté juste avant d'entrer dans le top 3. Ce qui signifie, eh bien, ils arrivent à la 4ème place et ont donc perdu 2 places cette semaine. Et puis c'est Ride It qui reprend sa place de droit avec la place numéro 3, celle du bronze. C'est donc de DJ Regard. On aura juste après Rhythmo des Black Eyed Peas avec J Balvin qui continue son ascension, cette fois-ci en étant deuxième cette semaine. Et puis le numéro 1 inégalé depuis plus de 62 semaines, certifié 5 fois disque de platine, c'est toujours Happier, une chanson de Marshmello et Bastille à découvrir juste après celle-ci, Ride It. Numéro 3. No me la tumba, Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los

Les amis, deux heures d'émission viennent de passer si vite. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'était Ismaël. Ça m'a fait vraiment super, super, super méga plaisir et bien de vous accompagner. On a donc écouté à l'instant le top 3 des meilleurs hits EDM de cette semaine. C'était Ride It de DJ Regard, numéro 3 qui gagne une place. On avait Rhythmo, Bad Boys for Life, un single des Black Eyed Peas avec J Balvin qui continue son ascension en ayant pris cette deuxième place cette semaine. Et puis toujours numéro 1 depuis 62 semaines, c'était Happier de Marshmello. Et voici juste à l'instant. En tout cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bien évidemment d'Happy Dance 35 avec la suite de ce classement. Peut-être que le top 3 ne changera pas, le top 10 non plus, on verra en tout cas ce qui se passera. Et puis ça ne m'étonnerait pas que d'ici la mi-décembre on ait peut-être aussi quelques chansons EDM de type Noël, voilà, en version électro. En gros ça pourrait être sympa. On verra en tout cas ce qui arrivera dans ce top 35. C'était Ismaël au micro, ciao bye bye.